Martino. Évariste, dis comment Nyanga. Séraphine Akizimane est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganeroa, à cette actualité de ce lundi 24 octobre 2022, dont voici d'abord l'essentiel. Le Premier ministre a intimé l'ordre aux orpailleurs de faire parvenir toute la quantité de l'or à la Banque centrale au plus tard jeudi de cette semaine. Gervain de la Kobucha a lancé cet appel lors d'une réunion tenue ce lundi en Ngozi avec tous les intervenants dans le secteur minier, et c'est après avoir constaté que 8 kg de l'or a pris une destination inconnue. Une pénurie d'eau potable fait parler d'elle en commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Des habitants de la localité de Tenga, en cette commune, se plaignent du manque d'eau potable depuis plus de mois. Et la chronique sportive de ce lundi, axée sur le dopage des joueurs de football. Bienvenue à cette édition. Près de 500 handicapés de guerre ont été signés durant le premier trimestre de cet exercice budgétaire 2022-2023 lors de la présentation des réalisations ce lundi. Le ministre de la Défense Alain Tribert Moutabadi a en outre indiqué que la lutte contre la fraude passant par le lac Tanganyika a continué. On l'écoute. Dans le but d'améliorer le bien-être et prise en compte du genre, nous avons consenti les efforts dans l'appui des anciens combattants handicapés. La prise en charge médicale a continué. De ce fait, plus de 489 handicapés de guerre ont été soignés. 141 bons de soins a été octroyé aux anciens combattants les plus nécessiteux et 153 attestations d'invalidité ont été validées. Des consultations des handicapés sévères de guerre continuent dans différents sites. Une commission a été également mise en place pour actualiser les domaines d'intervention de la Caisse sanitaire de solidarité militaire CASOM. Dans le but de lutter contre la fraude, surtout dans le lac Tanganyika, 1103 pagnes, 2 cartons de médicaments et 3 bidons de mazout ont été saisis et remis aux autorités habilitées pour investigation. C'était là le ministre de la Défense et des Anciens Combattants qui, lors de la présentation des réalisations de ce lundi, a indiqué que près de 500 handicapés de guerre ont été soignés durant le premier trimestre de cet exercice budgétaire 2022-2023. Ouverture solennelle ce lundi de l'agence de la Banque des Jeunes à Bujumbura, le ministre de la Jeunesse Ezekiel Nibigira a indiqué que cette banque est opérationnelle dès ce lundi. Le siège de la BIJ est dans la province politique de Gitega. Suivez-le. On s'était convaincu que l'agence BIJ de Bujumbura sera ouverte et opérationnelle au plus tard à cette date du 24 octobre 2022. Je félicite l'équipe managériale de la BIJ d'avoir relevé le défi en rendant opérationnel cette agence en ayant une très courte durée. Les propos du ministre de la Jeunesse ont été recueillis par Ornera Mucho. 8 kg d'or sur plus de 33 kilogrammes déclarés au ministère de l'Énergie et Mines ne sont pas arrivés à la Banque de la République du Burundi conformément au contrat signé avec les orpailleurs. Propos du ministre Ibrahim Ouidzeye, ministre de l'Énergie et Mines, lors d'une réunion tenue par le Premier ministre à Ngozi ce lundi avec tous les intervenants dans le secteur minier. Gervais Ndira Kobucha met en garde les orpailleurs qui continuent à vendre frauduleusement des minerais que des mesures sévères seront prises à leur endroit. sous l'ordre du Premier ministre. Et tous ceux qui n'ont pas encore acheminé l'or à la Banque centrale ont été intimés pour le remboursement de ces 8 kg dont la destination reste inconnue après l'identification de ceux qui sont toujours en possession d'à peu près 6 kg de l'or. Le Premier ministre a intimé l'ordre de faire parvenir toute cette quantité à la Banque centrale et au plus tard jeudi de cette semaine. Il est à rappeler que c'est à partir de juillet de cette année que le gouvernement a signé de nouveaux contrats avec les coopératives des orpailleurs du Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page agriculture à présent, la commercialisation des semences de maïs PAN 53 est interdite, surtout dans les boutiques. Dans une déclaration de ce lundi, le ministère est chargé du développement communautaire fait savoir que seuls les agriculteurs peuvent payer ces semences pour les semer. Le ministre invite la police et l'administration à saisir ces semences dans les boutiques et les donner aux agriculteurs. Une interdiction tombée après qu'au 8 octobre, un lot de 7 tonnes de semences de maïs PAN 53 ont été réceptionnées à la frontière burundo-tanzanie de Kobero par le ministre de l'Intérieur et de l'Agriculture en provenance de la Zambie sur demande de la population, précise le ministre de l'Intérieur. Il a été donc annoncé que 600 autres tonnes de maïs étaient en cours d'importation. L'actualité continue, place à la chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Les joueurs qui jouent le football peuvent être traités à l'aide des dopages selon la sorte des maladies auxquelles ils font face. Dans ce cas, docteur Jean-Claude Majambéré, médecin spécialiste dans la médecine sportive, précise que les médecins qui suivent de près la santé de ces joueurs doivent obligatoirement informer la commission médicale au sein de la Fédération de football du Burundi, comme la loi de la FIFA le stipule. Les détails avec Marie-Claire Cazenet. Les médicaments considérés comme dopage sont validés chaque année en fonction des études effectuées par l'Agence mondiale de l'antidopage. Propos du docteur Jean-Claude Majambéré, médecin spécialiste en sport. Les médicaments, je vous ai dit que c'est une liste qu'on sort chaque année. Cette année, tu peux trouver ces médicaments et l'année prochaine, tu ne le trouves pas. Donc, c'est en fonction des études et des recherches qu'on a effectuées à propos de ces substances considérées comme des dopages. Il précise qu'au Burundi, il existe des médicaments qu'on utilise en médecine générale considérés comme antidopage. Ici chez nous, il y a des produits ou des médicaments qu'on utilise souvent, je dirais en médecine générale, mais pour cette année, ils sont sur la liste des produits considérés comme faisant partie de l'antidopage. Ici, docteur Majambéré donne la liste de ces médicaments. Je dirais entre autres l'hydrocortisone, c'est un médicament qu'on appelle des corticoïdes. Ce sont des médicaments le plus souvent utilisés chez les patients qui ont eu des allergies. Et le dexaméthasone aussi, c'est de la même famille. Il y a le médicament qu'on appelle insuline, qu'on utilise dans le traitement des cas de diabète. Il y a aussi le salbutamol, qui est un médicament utilisé en cas de difficultés respiratoires, comme par exemple chez des patients qui présentent de l'asthme. Tous ces médicaments pour cette année font partie de la liste des médicaments interdits par l'Agence mondiale de l'antidopage. Il y a aussi des produits comme le cannabis, le marijuana. Ce sont des produits qu'on dit souvent qu'il y a déjà qui utilisent ça. Tous ces produits font partie des substances, des produits interdits par l'Agence mondiale de l'antidopage qui sort chaque année cette liste des substances et produits interdits. Docteur Jean-Claude Majambéré exhorte les sportifs de ne pas prendre ces dopages du fait qu'ils sont nuisibles pour leur santé. Merci à Marie-Claire Kazeneza pour tous ces détails. Des habitants de la colline Tenga, commune Mutimbuzi en province Bujumbura, se plaignent du manque d'eau potable depuis plus de mois. Le pire est qu'ils ne trouvent plus d'eau depuis suite à la période ensoleillée qui persiste. Par conséquent, ils déplorent passer plus d'une journée sans se laver le corps. Actuellement, le coût d'un bidon de 20 litres est entre 400 et 500 francs. Ces riverains de la colline Tenga demandent à la Régie des eaux l'alimentation en eau potable. Les détails avec Vestine Boutoy. C'est catastrophique. On ne sait pas vraiment. On souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas aimé beaucoup. Une des habitants de la colline Tenga, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, déplore la situation du manque d'eau potable dans cette localité. Selon Francine Lukuba, c'est pénible de trouver de l'eau potable. À cause de cette eau ici, on souffre. On manque quoi boire, quoi se laver, on a des enfants. Ah, vraiment, que le gouvernement nous vienne en aide. Quant à Janine Atungimana, une des riveraines de Tenga, la longue période ensoleillée a empiré la situation. Il a occasionné l'assèchement de l'eau dans des puits. Suite au long trajet effectué étant la recherche de l'eau, Fulgence Akizimana, un des vendeurs de l'eau, affirme vendre un bidon de 20 litres à 400 ou 500 francs burundais. Ces habitants de la colline Tenga, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, plaident pour l'alimentation en eau potable pour leur bien-être. Merci à Vestine Boutoy. Sur ce, le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, tranquillise cette population. Il promet résoudre ce problème grâce aux projets d'adduction d'eau potable qui seront réalisés au cours du budget de cette année. Suivez-le. Non, c'est la vie. On est en train de travailler sur ça. C'est pas seulement Tenga. En tout cas, nous avons un déficit de l'eau. Mais il y a des projets qu'on est en train de réaliser. Il y a l'eau gravitaire de Matiazo, mais aussi de l'Issale. Il y a aussi des forages que nous allons faire d'ici peu de jours. Et aussi le traitement de certaines eaux de surface. La population peut être rassurée parce que l'arrivée de ces sources, on va les raccorder à l'eau potable. Parce que on sait bien que l'eau est la vie. C'est pourquoi on est en train de faire tout le possible. Je passe d'ici deux mois l'eau gravitaire. La terre de Matiazo sera déjà arrivée à Bujumbura, mais aussi de Issale, puisque les tuyaux sont interconnectés. C'est-à-dire, nous allons alors voir comment raccorder aussi les gens de Rubinizi et de Tenga. C'était là le directeur général de la Régie des eaux. Lancement officiel ce lundi de la deuxième édition du Tour de cyclisme féminin au niveau de l'Afrique. Six pays, à savoir le Kenya, l'Égypte, le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Burundi, vont prendre part à la course qui se déroulera à l'intérieur du pays jusqu'au 30 octobre. Ezekiel Nibigira, ministre ayant le sport dans ses attributions, indique que ce sera une occasion de vanter les beautés du pays. La première dame du Burundi souhaite qu'il y ait des services de counseling au sein des formations sanitaires publiques. Angeline Ndayishimiye l'a annoncé dans un atelier national sur la santé mentale qui se tient à Gitega. Elle a expliqué que les prestataires et structures de prise en charge des personnes dans ce domaine sont insuffisants. En actualité internationale, le président français Emmanuel Macron est à Rome depuis ce dimanche 23 octobre pour le début d'un sommet interreligieux de trois jours organisé par la communauté de Sant'Egidio. Cette organisation caritative et catholique proche du pape François est connue pour ses efforts en faveur de la paix et du dialogue interreligieux, notamment en Afrique. Emmanuel Macron, qui rencontrera le pape François lundi 24 octobre, c'est aujourd'hui, au deuxième jour de sa visite en Italie, va assister à l'ouverture du sommet annuel de la paix de la communauté de Sant'Egidio. Il sera aux côtés des présidents italiens Sergio Mattarella et Nigérien Mohamed Bazoum. Le président français cherchera aussi à éviter Giorgia Meloni et les dirigeants italiens d'extrême droite, lesquels dirigent le nouveau gouvernement italien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Bon après-midi à toutes et à tous. Actualité régionale. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de l'actualité régionale. En République démocratique du Congo, au moins 23 000 personnes auraient été déplacées par des violences armées qui ont éclaté le 20 octobre entre l'armée congolaise et le mouvement M23 dans le territoire d'Oruchuru, rapporte le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, selon le journal congolais actualité.cd. D'après la même source, ce chiffre inclut environ 2500 personnes qui ont traversé en Ouganda. Selon les chiffres de l'ONU, poursuit actualité.cd, depuis mars 2022, ces affrontements ont déplacé au moins 186 000 personnes, portant le nombre total de personnes déplacées dans le territoire d'Oruchuru à plus de 396 000. Un an après qu'un coup d'État militaire ait fait dérailler la transition au Soudan, le pays reste embourbé dans l'aggravation des troubles politiques et économiques qui, selon les observateurs, menace une stabilité encore plus grande, lit-on dans le journal de Monito. Le dernier coup d'État de la nation nord-africaine a eu lieu le 25 octobre 2021, lorsque le chef de l'armée Abdel Fattah a retiré un bloc civil clé de son rôle de chef d'une transition vers une vie civile régnée. Dans les colonnes du journal de Monito, la transition de courte durée a suivi l'éviction en 2019 du président Omar El-Bashir. Selon le quotidien tanzanien Mwananchi, certains citoyens du Kwambi, dans le village de Mofu, dans la commune de Mgeta, dans la région de Kilombero, auraient incendié le bureau du chef du village de Mofu en raison de leur mécontentement face aux décisions prises par les dirigeants lors du règlement des différends entre les agriculteurs et les éleveurs. S'adressant à Mwananchi ce dimanche 23 octobre, le chef du village à la retraite, Victor Timbulu, a déclaré que l'incendie criminel au bureau a causé la mort de deux personnes dont les corps sont toujours sur les lieux en attendant la police, tandis que le conseiller collinaire de Mofu, Grissom Mugonera, étant grièvement blessé. Actualité régionale. Au Kenya, le président William Ruto a publié au journal officiel des postes vacants pour les postes du président de la commission indépendante des élections et des frontières et de deux membres à partir du 17 janvier de l'année prochaine, selon le journal de Standard. Dans un avis daté du 21 courant, le président a notifié que le mandat des titulaires actuels expirera dans les trois prochains mois, après avoir été en fonction pour un mandat de 5 ans depuis 2017. Selon le journal Kenya Taifa Leo, M. Chebukati devrait prendre sa retraite avec le commissaire Boya Molu et le professeur Abdul Goulié. Pour boucler cette revue de la presse régionale, le journal Tribune du Soudan écrit que ce pays a déclaré l'état d'urgence dans l'état troublé du Nil Bleu après des violences tribales qui ont tué au moins 155 personnes. Ahmed Alomda Badi, gouverneur de la région du Nil Bleu, a décrété vendredi dernier l'état d'urgence dans toute la région pour une durée de 30 jours suite au récent affrontement intercommunautaire qui a débuté en juillet dernier. Badi a en outre ordonné au commandant de l'armée soudanaise, au directeur de la police, au directeur du service de renseignement général et au commandant des forces de soutien rapide de l'État d'utiliser tous les moyens pour arrêter les combats tribaux et rétablir l'autorité de l'État dans la région, selon le décret vu par le journal Tribune du Soudan. C'est par ici que nous mettons un point final à cette actualité de la revue de la presse régionale. Elle vous a été préparée et présentée par Moïse Misago en collaboration avec Lydie Gahimbari. À la prochaine. Actualité.